Livre septième, chapitre 5. Les deux hommes vêtus de noir. Le personnage qui entra avait une robe noire et la mine sombre, ce qui frappa au premier coup d'œil notre ami Jehan, qui, comme on s'en doute bien, s'était arrangé dans son coin de manière à pouvoir tout voir et tout entendre selon son bon plaisir, c'était la parfaite tristesse du vêtement et du visage de ce nouveau venu. Il y avait pourtant quelque douceur répandue sur cette figure, mais une douceur de chat ou de juge, une douceur doucereuse. Il était fort gris, ridé, touché aux 60 ans, clignait des yeux, avait le sourcil blanc, la lèvre pendante et de grosses mains. Quand Jehan vit que ce n'était que cela, c'est-à-dire sans doute un médecin ou un magistrat, et que cet homme avait le nez très loin de la bouche, signe de bêtise, il se rencogna dans son trou, désespéré d'avoir à passer un temps indéfini en si gênante posture et en si mauvaise compagnie. L'archidiacre, cependant, ne s'était même pas levé pour ce personnage. Il lui avait fait signe de s'asseoir sur un escabeau voisin de la porte, et après quelques moments d'un silence qui semblait continuer une méditation antérieure, il lui avait dit avec quelque protection « Bonjour, maître Jacques. »« Salut, maître, » avait répondu l'homme noir. Il y avait dans les deux manières dont fut prononcé, d'une part ce « maître Jacques », de l'autre ce « maître » par excellence, la différence du « monseigneur » au « monsieur », du « dominé » au « domné ». C'était évidemment l'abord du docteur et du disciple. « Eh bien, » reprit l'archidiacre après un nouveau silence, que maître Jacques se garda bien de troubler. « Réussissez-vous ?» « Hélas, mon maître, » dit l'autre avec un sourire triste, « je souffle toujours, de la cendre tant que j'en veux, mais pas une étincelle d'or. » Don Claude fit un geste d'impatience. « Je ne vous parle pas de cela, maître Jacques Charmolue, mais du procès de votre magicien. N'est-ce pas Marc Senaine que vous le nommez, le sommelier de la Cour des Comptes? Avoue-t-il sa magie? La question vous a-t-elle réussi ?»« Hélas, non, » répondit maître Jacques toujours avec son sourire triste. « Nous n'avons pas cette consolation. Cet homme est un caillou. Nous le ferons bouillir au marché aux pourceaux avant qu'il ait rien dit. Cependant, nous n'épargnons rien pour arriver à la vérité. Il est déjà tout disloqué. Nous y mettons toutes les herbes de la Saint-Jean, comme dit le vieux comique Plotus. Advorsum stimulos, laminas, crucesque, compedesque. Nervos, catenas, carceres, numelas, pedicas, boias, rien n'y fait. Cet homme est terrible, j'y perds mon latin. Vous n'avez rien trouvé de nouveau dans sa maison? Si fait, dit maître Jacques, en fouillant dans son escarcelle, ce parchemin. Il y a des mots dessus que nous ne comprenons pas. Monsieur l'avocat criminel Philippe Lelier sait pourtant un peu d'hébreu, qu'il a appris dans l'affaire des Juifs de la rue Kantersten à Bruxelles. En parlant ainsi, maître Jacques déroulait un parchemin. « Donnez, » dit l'archidiacre, et jetant les yeux sur cette pancarte, « Pure magie, maître Jacques, » s'écria-t-il. « Hemen et an, c'est le cri des striges quand elles arrivent au sabbat. Per ipsum et cum ipso et in ipso, c'est le commandement que recadenasse le diable en enfer. Ax, pax, max, ceci est de la médecine, une formule contre la morsure des chiens enragés. Maître Jacques, vous êtes procureur du roi en cour d'église, ce parchemin est abominable. » Nous remettrons l'homme à la question. Voici encore, ajouta maître Jacques en fouillant de nouveau dans sa sacoche, ce que nous avons trouvé chez Marc Senaine. C'était un vase de la famille de ceux qui couvraient le fourneau de Don Claude. « Ah ! » dit l'archidiacre, « un creuset d'alchimie. Je vous avouerai reprit maître Jacques avec son sourire timide et gauche, que je l'ai essayé sur le fourneau, mais je n'ai pas mieux réussi qu'avec le mien. L'archidiacre se mit à examiner le vase. Qu'a-t-il gravé sur son creuset ? Hoc, hoc, le mot qui chasse les puces. Ce Marc Senaine est ignorant. Je le crois bien que vous ne ferez pas d'or avec ceci. C'est bon à mettre dans votre alcôve l'été, voilà tout. Puisque nous en sommes aux erreurs, dit le procureur du roi, je viens d'étudier le portail d'en bas avant de monter. Votre révérence est-elle bien sûre que l'ouverture de l'ouvrage de physique y est figurée du côté de l'Hôtel-Dieu, et que dans les 7 figures nues qui sont aux pieds de Notre-Dame, celle qui a des ailes au talon est Mercurius ? Oui, répondit le prêtre, c'est Augustin Niffo qui l'écrit, ce docteur italien qui avait un démon barbu, lequel lui apprenait toutes choses. Au reste, nous allons descendre et je vous expliquerai cela sur le texte. Merci, mon maître, dit Charmolue en s'inclinant jusqu'à terre. À propos, j'oubliais, quand vous plaît-il que je fasse appréhender la petite magicienne ? Quelle magicienne ? Cette bohémienne que vous savez bien, qui vient tous les jours baler sur le parvis malgré la défense de l'official. Elle a une chèvre possédée qui a des cornes du diable, qui lit, qui écrit, qui sait la mathématique comme Picatrix, et qui suffirait à faire pendre toute la bohème. Le procès est tout prêt, il sera bientôt fait, allez. Une jolie créature sur mon âme que cette danseuse. Les plus beaux yeux noirs, 2 escarboucles d'Égypte. Quand commençons-nous ? L'archidiacre était excessivement pâle. Je vous dirai cela, balbutia-t-il d'une voix à peine articulée. Puis il reprit avec effort, « Occupez-vous de Marc Senaine. » « Soyez tranquille, dit en souriant Charmolue, je vais le faire reboucler sur le lit de cuir en rentrant. Mais c'est un diable d'homme, il fatigue Pierrat Torterue lui-même, qui a les mains plus grosses que moi. Comme dit ce bon Plautus, « Nudus vinctus, santum podo, est quando pendes perpedes. » La question Autreuil, c'est ce que nous avons de mieux, il y passera. Don Claude semblait plongé dans une sombre distraction. Il se tourna vers Charmolue. « Maître Pierrat, Maître Jacques, veux-je dire, occupez-vous de Marc Senaine. » « Oui, oui, Don Claude, pauvre homme, il aura souffert comme Moumou. Quelle idée aussi d'aller au sabbat, un sommelier de la Cour des Comptes qui devrait connaître le texte de Charlemagne, Friga vel masca. Quant à la petite, Smelarda, comme il l'appelle, j'attendrai vos ordres. Ah, en passant sous le portail, vous m'expliquerez aussi ce que veut dire le jardinier de plate peinture qu'on voit en entrant dans l'église. N'est-ce pas le semeur ? Eh, maître, à quoi pensez-vous donc ? Don Claude, abîmé en lui-même, ne l'écoutait plus. Charmolue, en suivant la direction de son regard, vit qu'il s'était fixé machinalement à la grande toile d'araignée qui tapissait la lucarne. En ce moment, une mouche étourdie, qui cherchait le soleil de mars, vint se jeter à travers ce filet et s'y englua. À l'ébranlement de sa toile, l'énorme araignée fit un mouvement brusque hors de sa cellule centrale. Puis d'un bond, elle se précipita sur la mouche, qu'elle plia en deux avec ses antennes de devant, tandis que sa trompe hideuse lui fouillait la tête. « Pauvre mouche !» dit le procureur du roi en cour d'église, et il leva la main pour la sauver. L'archidiacre, comme réveillé en sursaut, lui retint le bras avec une violence convulsive. « Maître Jacques » cria-t-il, « laissez faire la fatalité !» Le procureur se retourna effaré. Il lui semblait qu'une pince de fer lui avait pris le bras. L'œil du prêtre était fixe, hagard, flamboyant, et restait attaché au petit groupe horrible de la mouche et de l'araignée. « Oh oui !» continua le prêtre avec une voix qu'on eût dit venir de ses entrailles. « Voilà un symbole de tout. Elle vole, elle est joyeuse, elle vient de naître, elle cherche le printemps, le grand air, la liberté. Oh oui, mais qu'elle se heurte à la rosace fatale, l'araignée en sort, l'araignée hideuse. Pauvre danseuse, Pauvre mouche prédestinée. Maître Jacques, laissez faire, c'est la fatalité. Hélas, Claude, tu es l'araignée. Claude, tu es la mouche aussi. Tu volais à la science, à la lumière, au soleil. Tu n'avais souci que d'arriver au grand air, au grand jour de la vérité éternelle. Mais en te précipitant vers la lucarne éblouissante qui donne sur l'autre monde, sur le monde de la clarté, de l'intelligence et de la science, mouche aveugle, docteur insensé, tu n'as pas vu cette subtile toile d'araignée tendue par le destin entre la lumière et toi. Tu t'y es jeté à corps perdu, misérable fou. Et maintenant tu te débats, la tête brisée et les ailes arrachées, entre les antennes de fer de la fatalité. Maître Jacques, Maître Jacques, laissez faire l'araignée. Je vous assure, dit Charmolue qui le regardait sans comprendre, que je n'y toucherai pas. Mais lâchez-moi le bras, maître, de grâce. Vous avez une main de tenaille. L'archidiacre ne l'entendit pas. « Oh, insensé » reprit-il sans quitter la lucarne des yeux. « Et quand tu l'aurais pu rompre, cette toile redoutable, avec tes ailes de moucheron, tu crois que tu aurais pu atteindre à la lumière ? Hélas, cette vitre qui est plus loin, cet obstacle transparent, cette muraille de cristal plus dure que l'airain, qui sépare toutes les philosophies de la vérité, comment l'aurais-tu franchi ? Oh, vanité de la science ! Que de sages viennent de bien loin, en voletant, s'y briser le front ! Que de systèmes pêle-mêle se heurtent en bourdonnant à cette vitre éternelle ! Il se tut. Ses dernières idées qu'il avait insensiblement ramenées de lui-même à la science paraissaient l'avoir calmé. Jacques Charmolue le fit tout à fait revenir au sentiment de la réalité en lui adressant cette question. « Or ça, mon maître, quand viendrez-vous m'aider à faire de l'or ? Il me tarde de réussir. » L'archidiacre hocha la tête avec un sourire amer. « Maître Jacques, lisez Michel Pselus. Dialogus de Energia et Operatione Demonum. Ce que nous faisons n'est pas tout à fait innocent. » « Plus bas, maître, je m'en doute, » dit Charmolue. « Mais il faut bien faire un peu d'hermétique quand on n'est que procureur du roi en cour d'église, à 30 écus tournois par an. Seulement, parlons bas. » En ce moment, un bruit de mâchoire et de mastication qui partait de dessous le fourneau vint frapper l'oreille inquiète de Charmolue. « Qu'est-ce là ? » demanda-t-il. C'était l'écolier qui, fort gêné, et fort ennuyé dans sa cachette, était parvenu à y découvrir une vieille croûte et un triangle de fromage moisi, et s'était mis à manger le tout sans façon, en guise de consolation et de déjeuner. Comme il avait grand faim, il faisait grand bruit, et il accentuait fortement chaque bouchée, ce qui avait donné l'éveil et l'alarme au procureur. « C'est un mien chat, » dit vivement l'archidiacre, qui se régale là-dessous de quelques souris. Cette explication satisfit Charmolue. « En effet, maître, » répondit-il avec un sourire respectueux, « tous les grands philosophes ont eu leurs bêtes familières. Vous savez ce que dit Servius, « Nullus enim locus sine genio est. » Cependant, Don Claude, qui craignait quelque nouvelle algarade de Jehan, rappela à son digne disciple qu'ils avaient quelques figures du portail à étudier ensemble, et tous deux sortirent de la cellule au grand ouf de l'écolier qui commençait à craindre sérieusement que son genou ne prît l'empreinte de son menton.